aujourd'hui je vous écris pour vous redire encore cette admiration qui, moi, votre cher Victor, réjouit mon esprit, voyant votre courage. Car quand tombe la pluie, vous êtes bien l'orage. Vous le porte-drapeau du deuil des illusions que Voltaire et Rousseau furent votre éducation. Jamais, au grand jamais, ne plia le genou, même au milieu des loups. Sacré Louise, le noir vous va si bien. Sacré Louise, grand homme au féminin. Vierge rouge libertaire, aux gènes de la révolte, dont la commune fut fière, au soir de la récolte, pillages et attentats, au nom de conviction, l'anarchie pour seule loi, que fait-on par passion? J'essaye à chaque instant de vous faire libérer, le tigre jusqu'à présent se bat à mes côtés, œuvrez comme je le fais, contre la peine de mort. Et c'est signé Victor. Sacré Louise, le noir vous va si bien. Sacré Louise, grand homme au féminin. Ni Dieu ni maître, juste une femme debout. Dieu ni maître, jamais au garde à vous. Sacré Louise, le noir vous va si bien. Sacré Louise.